Parole d'Edouard Glissant. Une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laureau, en collaboration avec l'Institut du Tout Monde. 1958. Édouard Glissant reçoit le prix Renaudot pour La Lézarde, premier roman résolument anticolonialiste dans lequel la poétique se met au service de la politique. Invité à s'exprimer sur le plateau toujours polarisé du Masque et la Plume, Glissant défend ici son livre contre la critique de Jean d'Ormesson. « Je n'aime pas ce livre et je le dis », annonçait d'emblée ce dernier. « Je pense que M. Glissant, dont j'ai lu quelques vers que j'aime assez, a fait un roman poétique, qu'il a mélangé tous les genres, et que ce roman poétique est à peu près illisible. » Je dois dire d'abord que le fond politique de mon roman ne suffit pas à justifier l'appellation de roman politique. J'ai voulu faire le roman du, si vous voulez, du début d'un peuple. Oui. J'ai voulu montrer un cheminement, une sorte de travail psychologique à l'intérieur d'un peuple qui est en train de naître au monde. Surtout, si au, moment, surtout au moment où votre roman se situe. Oui. Alors, j'ai voulu situer mon roman dans l'après-guerre, parce que c'était dans l'après-guerre immédiat, parce que c'était la période la plus lyrique, la plus effervescente dans le monde entier. Tous les peuples dans le monde entier avaient soif de s'exprimer après les années de silence que représente la guerre. Et c'est pour cela qu'il y a un fond politique dans mon roman. Parce qu'à la fin de la guerre, la politique a été la dimension qu'on nous a imposée à tous, que ce soit aux Antilles ou en France, de manière, je dois dire, souvent assez cruelle. Oui. Donc, si je faisais un roman sur cette époque, j'étais obligé de lui donner un fond politique, sans quoi mon roman ne correspondrait pas du tout à la réalité qu'il essayait de dévoiler ou d'étudier. C'est ça, vous avez fait un roman avec un fond politique, non pas par souci de vous engager, comme disait Sartre à cette époque-là, mais parce que pas. La réalité se trouvait engagée. Engagée dans une espèce d'effervescence politique. Oui. Je veux dire aussi que cette réalité à laquelle je m'appliquais, cette réalité dans un pays tropical à la fin de la guerre, en 1945, était une réalité poétique, oui, c'est ce que était j'ai... une réalité lyrique. Oui. Et que si je n'appliquais pas des ressources poétiques à la description de cette réalité, si je faisais au contraire un roman d'un réalisme réaliste, très fouillé, alors je n'étais pas réaliste. Oui. N'est-ce pas ? Je ne sais pas si, non, mais si je me je dirais. Mais il est évident que lorsque Jean d'Ormesson, tiens, qui ouvre la porte, a dû... l'enfance de Jean d'Ormesson a dû se passer dans le 7e arrondissement, comme la... Non, pardon, 16e ? Non. Et vous avez passé votre enfance dans une plantation, probablement, à la Martinique ? Oui. Je tiens à dire une chose. Je ne me défends, mais je dois dire que je n'ai aucune hostilité particulière à l'égard non. de M. Jean d'Ormesson. Non, bien sûr. J'ai donc voulu montrer le cheminement psychologique chez des jeunes gens depuis un monde ancestral de la légende, et comme ce sont des jeunes gens, ce monde devient chez eux un monde puéril, un peu lyrique, obscur, légendaire, comme cela. Ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent, ils ne comprennent pas très bien où ils vont. Excusez-moi de vous interrompre, il y a à cet égard une de vos parenthèses dont je me souviens. À un moment, il y a un héros, je ne sais pas lequel, qui dit « Je ne sais pas, vous ouvrez la parenthèse, je vais grandir en cette histoire. Oui, » Vous fermez la parenthèse et vous continuez. Oui. Et c'est tout à fait au début, ça, oui, je crois. C'est au début. Et ça fait partie de ces approches. Oui, c'est un livre jeune, avec des jeunes gens qui ne savent pas... Qui sont en train de mûrir. Et qui sont en train de mûrir. Au départ, ils ne savent pas où ils vont. Oui. Et ils apprennent petit à petit et avec difficulté. Ils font le cruel apprentissage de la politique. Oui. Alors, la fin est très claire, très nette... et le début est obscur et un peu incompréhensible. Je veux dire simplement ceci. J'aurais pu très bien avoir écrit un roman où j'expliquerais très nettement, dès le début, que ces jeunes gens sont dans une situation obscure, qu'ils ne comprennent pas, etc. Et où je dirais très nettement à la fin que ces jeunes gens sont arrivés à quelque chose. J'ai préféré faire une œuvre qui ne soit pas aussi explicite, mais qui soit plus organique, si vous voulez, qui corresponde davantage à son objet. C'est-à-dire une œuvre dont le langage même serait au début un peu comme ça, légendaire, ne sachant pas encore où s'orienter, et dont la fin serait très claire et très nette. Il y a, si vous voulez, une coulée du langage vers la clarté, la précision et la lucidité qui correspond au sujet du livre. Ça, je tenais à le dire.